À la foire, scène 3, à l'ère de restauration. Nathalie et son père regardent deux menus différents dans l'ère de restauration. Ils vont commander pour la famille. Ta mère voudrait un hot dog et ton frère préfère un hamburger. J'ai déjà mangé un hamburger. Je veux un cornet de crème glacée et c'est tout. Moi aussi, un cornet de crème glacée aux fraises. Deux boules, s'il te plaît, ma chérie. Bien sûr, papa. Je veux la même chose exactement. Nathalie va au kiosque de crème glacée où elle commande deux cornets de crème glacée aux fraises à deux boules. Papa commande un hamburger et un hot dog pour les deux autres. Oui, monsieur. Pour vous? Je voudrais un hamburger avec des oignons, de la mayonnaise et un peu de moutarde, s'il vous plaît. Et puis, un hot dog avec beaucoup de ketchup. Voulez-vous de la moutarde sur le hot dog? Non, merci. Les voilà. C'est $8.50, monsieur. Nathalie prend les deux cornets de crème glacée et se tourne vers son père. Hé, hey, papa! J'ai les deux cornets! Ils ont l'air délicieux, ces deux cornets! Tout à coup, une des boules de crème glacée tombe par terre. Oh non, papa! Une de tes boules est tombée! Mais Nathalie, ces deux cornets sont identiques! Exactement les mêmes! Tu es certaine que c'est une boule de ma crème glacée qui est tombée et non de la tienne? Oui, papa. Je suis absolument certaine que c'est ta crème glacée. Mais ne t'inquiète pas. Tu peux avoir un peu de ma crème glacée. Je peux la partager avec toi. Merci beaucoup, Nathalie. Tu es vraiment généreuse.